bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô! Bienvenue au Lobster ça... Quoi? Powerwolf vient de sortir une nouvelle chanson? Ok, on l'écoute. Powerwolf qui nous a sorti une nouvelle chanson, Beast of Gévaudan, qui est un avant-goût de leur album à sortir, Call of the Wild, qui lui est prévu pour le 16 juillet. Maintenant que c'est dit, on peut reprendre l'intro du Lobster. Bienvenue dans le Lobster 102.0, un Lobster qui s'est fait un petit peu attendre. Et oui, avec le beau temps, devinez qu'est-ce que j'ai ressorti. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez ce que j'ai fait tout l'été passé. Du kayak. Et oui, la saison est relancée et déjà j'ai plusieurs sorties à mon actif puisque je sors sur l'eau quasiment tous les jours, même des fois je sors deux fois par jour quand il vente fort, car j'adore être dans les belles vagues. En ce moment, il n'y a pas encore beaucoup de végétation de poussée, donc c'est pas encore le plus beau. Mais j'ai eu la chance de voir des belles choses. Dès ma première sortie, un gros ragondin, qui est comme un gros roc castor, il était sur une roche et me regardait passer. Ensuite, je suis tombé sur un couple d'oiseaux de proie assez rares, des urubus à tête rouge. Je les ai filmés, ils s'étaient perchés dans un arbre et me regardaient. J'avais bon espoir qu'il neige dans le coin où je les ai vus, mais non, je suis retourné plusieurs fois et je ne les ai jamais revus. Bref, la saison de kayak est bien commencée. Si vous avez la chance d'avoir de l'eau pas trop loin de chez vous, achetez-vous un kayak. Je vous garantis que ça va être le plus bel achat que vous aurez fait cet été. Pour ceux qui vont faire cet achat, voici comment vous allez vous sentir. Génial! Tout est vraiment génial! Est-ce que vous avez regardé où sont mes pantalons hier soir? Ouais, c'était chérie, trop drôle! Où sont mes pantalons? Un grand classique! Tout est vraiment génial! Ouais! Tout est content, c'est parti du lundi! Tout est vraiment génial! Si vous êtes tout le monde en parle, la vie est belle! Tout est vraiment génial! Si on est comme si bien, je pourrais chanter cette chanson pendant des heures! Oui! Je peux la chanter pendant des heures, mais moi, j'ai pas l'intention de l'écouter plus longtemps. Donc c'est ça, je vous conseille vivement de vous trouver un kayak ou tout autre contenant de plastique suffisamment grand et robuste pour vous permettre de flotter sur l'eau. Un soir, alors que je naviguais, pas en kayak, non, alors que je naviguais sur la toile du Québec, alors que je pagayais dans les méandres d'Internet, je suis tombé, je sais vraiment pas comment, sur des gens qui se plaignaient. Ils disaient « Mon code marche pas ». « Moi non plus, ça marche pas ». ».« On veut voir le spectacle, on a payé ». ».« Le spectacle est commencé, on a payé, on veut le voir ». Bref, j'étais curieux, j'ai été voir qu'est-ce qui se passait. Ça m'a amené sur Twitter, où j'ai pas vraiment de compte. Et là, je me ramasse à suivre cette discussion et je comprends qu'en ce moment, ben pas là. Imaginez-vous qu'on est au moment où je suis les liens. Il faut se transporter dans le temps. Donc, je comprends qu'il y a à ce moment un gros spectacle en cours en Angleterre, le Glastonbury Festival. Je connais pas, mais c'est gros. Sur Internet, c'est écrit que c'est un des grands festivals de musique et d'art du spectacle. Et les gens chialent. Ils ont acheté des billets à 30$ et les codes marchent pas. Et les gens en charge écrivent sur le site du festival « Désolé, on sait que ça marche pas. L'équipe technique travaille pour arranger ça. » Donc, ça va pas bien. Et qu'est-ce que je vois apparaître après quelques minutes? Un lien qui dit « Nous sommes désolés, les codes ne marchent pas. Utilisez ce lien direct pour vous connecter. » Je clique et j'ai accès au spectacle. Donc, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour régler le problème est de donner accès gratuitement à tout le monde. Bon, moi, j'aurais pas payé pour ce festival, mais j'accepte. Vu que c'est gratuit, un peu à contre-cœur, tristounet, de suivre leurs liens et d'écouter. Eh ben non, j'étais pas triste, j'étais plutôt heureux. J'avais rien à faire et j'ai accès à un super spectacle gratuit. Je monte le son et j'écoute. Non. Je recule au début, car oui, on peut repartir de zéro le spectacle pour rien manquer. Donc, je monte le son, je lance mon enregistrement et ensuite, j'écoute. Et là, je me rends compte qu'il y a des bons artistes. Il y a le groupe The Smile, je ne connaissais pas, mais c'est le nouveau groupe de deux gars de Radiohead. Donc, j'ai écouté tout le spectacle qui a duré environ 5 heures ce soir-là, puis qui est entrecoupé de cinématiques artistiques avec un genre de taureau chèvre humain qui se promène dans la forêt. Le spectacle est vraiment bien fait, ils ont du budget. Et finalement, arrive cette intro en preview d'un groupe. C'est magique. Autour du groupe, des milliers de petites lumières qui s'allument. Les lumières représentent leur public. Et là, la musique débute. Pouvez-vous reconnaître qui va nous pousser la note? Moi, je ne les connaissais pas. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. and I think my shoes are tied. I'm like a broken record, I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just so the call might kill me. What? So you tell me on the heavenly phone. So hold tight, come on, come on. Oh, oh, oh, come on, come on. Don't let go. Oh, hold tight, hold tight. Oh, oh, it's alright, you say. Got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you're really someone I wanna know. Oh, this boy is electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you really someone I wanna know. Oh, you've got a high, you've got, yeah, you've got a high, yeah, you've got, yeah, you've got a high. Whoa. Oh, you've got, yeah, you've got a high, you've got, oh, you've got a high, yeah, you've got, yeah, you've got a high. Hands up shaking just to let you know now. You've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. You once in any lifetime, I'm going a million miles an hour. Went for so long, I've been down on my knees, and your love so set me over, over for so long. I've been down on my knees, and your love so. Eh bien, c'était le groupe Coldplay qui jouait à ce spectacle de Glastonbury, qui jouait parfois sous la pluie. C'était très beau à voir. Là, on a écouté la chanson Higher Power, une chanson qui semble très récente, qui est sortie le 7 mai en prévision de leur 9e album. Donc, Coldplay, eux, ont joué pendant environ 35 minutes leur plus belle chanson. Comme je vous dis, j'ai tout enregistré le spectacle qui a duré un bon 5 heures. Donc, je vous mets ça à la fin du Lobster. Vous aurez toute la prestation de Coldplay. Pour les autres artistes, c'était bien, mais pas autant que Coldplay. Ils ont vraiment été mes préférés. Donc, c'est ceux-là que j'ai choisi de vous présenter au complet à The End of the Omar. Bon, c'est le temps d'une devinette. Je veux vous parler d'un nouveau jeu. Un petit jeu cute sur nos téléphones. Et j'ai un indice musical. C'est lié avec l'artiste, auteur de cette chanson. Donc le jeu dont je veux vous parler est créé et est en lien avec cet artiste. Donc on prend le temps d'écouter la chanson et au retour, je vous parle de ce jeu que vous devez essayer sur vos téléphones intelligents ou à roulette. I'm falling, just like you. que pour ceux qui l'ont reconnu, c'était Alan Walker. Donc, en plus de mixer de la bonne musique, il serait un passionné de jeux et vient de sortir un jeu sur Android et Apple, le jeu Alan Walker The Aviation Game. Dans le jeu, tu es un walker. Tu es comme un petit drone que tu conduis et qui doit éviter de s'écraser sur des obstacles. C'est comme en 2D. Moi, ça me fait penser au jeu Zaxxon sur Atari sorti en 82, mais qui aurait été relooké à la sauce 2021. Et durant le jeu, tu joues sur des chansons d'Alan Walker. Donc, comme atmosphère, c'est vraiment bien, si tu aimes son style, bien sûr. On écoute l'intro du jeu. Au moment où j'ai découvert ce jeu, j'avais branché mon micro pour enregistrer et ça donne de la chenoute. Mon son était pourri, donc on va plutôt y aller avec le démo que lui a fait et qui est en ligne et dont le son est parfait. Donc on l'écoute, le démo de The Aviation Game. This is an Aviate drone. Your mission is to navigate the drone safely through an obstacle course without losing power. Donc, pour ceux qui n'ont pas de lunettes VR pour voir ce qui se passe, je vais vous faire un peu de narration. C'est un petit jeu le fun, sans pub, gratuit, avec cette musique inspirante en background. T'es un petit drone qui doit éviter des obstacles tout en ramassant des cœurs ou de l'énergie. Le jeu me fait penser un peu à Tron, le premier. Tout ce qui est bon est en bleu, et ce qui est mauvais, les obstacles ou les lasers, en rouge. Oui, plus j'y pense, c'est dans le style de Tron. Et pour l'interface, c'est un peu comme Guitar Hero, ton drone avance tout seul sur ce qui ressemble à un manche de guitare avec ses frettes. Congratulations Walker, you are now a certified Aviate drone. Welcome to the Aviation Game. Three, two, one. Complete the level in order to collect your reward. Et tu dois avancer, reculer, à gauche, à droite, récupérer les choses sans toucher les obstacles. Éviter les vaisseaux qui arrivent parfois sur le côté pour tirer du laser. Bref, rien d'extraordinaire, mais un petit jeu bien fait. Je suis rendu au level 10 et j'aime bien. Je le garde sur mon sel quand je vais devoir attendre quelque part, ça me fera passer le temps. Voilà, j'avais rien de plus à dire sur ce jeu, sauf de vous conseiller de l'essayer. Ces derniers temps, j'ai pas mal avancé dans mon projet de jeu de cartes que j'invente, design et veux produire. Au départ, quand je l'ai présenté à mon frère, il a tout détruit mon concept. Mon frère trouvait que je copiais trop Magic de Gathering et il avait raison. Donc j'ai pris ce que j'avais fait, je l'ai mis à la poubelle pour revenir avec un concept semblable, mais ne copiant plus Magic de Gathering. Mais petit aparté tout de même, pour ceux qui connaissent le jeu de Magic de Gathering, sachez que le brevet que Richard Garfield a déposé sur la mécanique de jeu, de taper des cartes pour de la mana et tout le reste, eh bien son brevet est expiré. Un brevet sur une invention est bon 20 ans et malheureusement pour lui c'est passé date, donc on pourrait utiliser ses concepts sans problème. Mais bon, suivant les conseils de mon frère, j'ai repensé mon jeu. Son point était que tant qu'à faire un jeu semblable à Magic, autant jouer à Magic qu'on aime déjà et qu'on a déjà. Donc, il me dit que tant qu'à faire un jeu, qu'il soit assez différent. Donc, j'ai réfléchi à tout ça et je suis arrivé avec un nouveau concept. J'ai complètement retiré les terrains qui donnent de la mana pour payer les cartes. Dans mon jeu, que j'ai nommé Cité, tu dois protéger ta cité. Et pour ce faire, tu peux mettre en jeu des créatures, bien sûr, mais aussi des lieux. Et ces lieux, eux vont te fournir ce qu'il faut pour jouer tes cartes. Le mana qui, dans le jeu de Magic, provient des terrains comme des îles ou des plaines, moi, il va falloir le trouver dans ces lieux. Chaque lieu que tu mets en jeu va fournir de l'énergie que tu mets dans un puits. Et même si le lieu disparaît avec le temps, l'énergie dans ton puits est conservée, donc tu vas pouvoir jouer tes cartes quand même. Autre mécanique dans mon jeu, les lieux peuvent accueillir des créatures et donnent des pouvoirs à ces créatures qui se trouvent dans ce lieu. Ensuite viennent les cartes de météo qui peuvent affecter le terrain de bataille, les cartes de maladie qui se propagent et peuvent décimer les créatures de l'adversaire, les cartes de loterie à effet hasardeux, voilà. Je vous en dis pas plus pour l'instant, c'est ça mon concept en développement. C'est pas mal de travail, j'y travaille toujours un petit peu. Je peaufine le concept. Pour l'instant, j'ai 6 couleurs dans le jeu. Je suis à créer un template dans Photoshop de chacun des types de cartes. Il y en a beaucoup. Certaines cartes, comme les lieux ou météo, se jouent horizontalement et me demandent un template différent. Donc, je prépare une carte concept pour chacune des sortes de cartes, tout en développant le concept autour de chacune des couleurs des cités. Alors que toutes les couleurs vont accueillir des cartes de type citoyen, certaines couleurs vont se concentrer plus sur les corsaires, les lacustres, ou d'autres types de créatures. Parlant de lacustres, peuple de l'eau, m'est venue l'idée de grandement baser mon jeu autour des terrains. Donc, certaines cartes de terrain, comme le lac aux eaux empoisonnées, qui pourrait être une carte de lieu, va permettre aux créatures aquatiques, comme les lacustres, d'attaquer sur l'eau. Donc, si ton opposant n'a pas de créature aquatique, il ne pourra pas te bloquer. Donc voilà, c'est un peu le concept autour de tout ça. Bref, beaucoup de nouvelles mécaniques et nouveaux concepts que j'invente, que je réfléchis, que je vais préparer, imprimer, tester avec mes amis un jour et qui peut-être débouchera sur un jeu ou m'aura tout simplement occupé pendant la pandémie. Maintenant, en attendant, un peu de musique et au retour, je vous parle de cette œuvre digne d'un musée qui est rendue sur ma table de cuisine et que je peux admirer et toucher en vous parlant, alors qu'elle devrait se trouver dans un musée. Donc, un peu de musique et je vous en parle au retour.

je termine en vous parlant de mon précieux. Le week-end passé, je tombe par hasard sur un encan de toiles de grands peintres du Québec, du Riopelle, du Alfred Pelland, du Paul-Émile Bourduard, du Marc-Aurel Fortin. Bref, des belles choses. Et là, je sais pas pourquoi, je décide de m'inscrire et de participer. Bon, il y a des toiles qui ont déjà pris un peu trop de valeur sur l'encan. Il y a des choses trop chères pour mon budget. Par exemple, la toile de Marc-Aurel Fortin est déjà rendue à 20 000 $ et se vendra, pour votre information, à 26 000 à la fin de l'enchère. Bref, moi, je spot des choses plus dans mon budget, de l'or inuit en pierre de savon, des affaires pas trop chères, moins de 100 $ Et finalement, quand je regarde où je devrais aller chercher les affaires si je remporte l'enchère, c'est assez loin, Saint-Hyacinthe, ce qui est à plus de 2 heures aller-retour de chez moi. Bref, je laisse faire les affaires pas chères en pierre de savon et or inuit, et je monte un peu d'un cran. Je vois deux choses qui m'intéressent. Une genre de lithographie signée et numérotée d'Alfred Pelland. De quoi de gros, de beau, et dont j'ai déjà vu les œuvres au Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est à 800 $ je mise 900, c'est pas assez, je mise 1000, c'est moi qui ai la plus haute mise, mais je me dis ça sera pas assez. Donc, je mets une mise à 1300, si ça monte au-delà de ça, je l'espère. Ensuite, je vois de quoi d'autre que je trouve assez beau, une sculpture de bronze de Paul-Émile Bourduard, un autre dont on voit les œuvres au Musée des Beaux-Arts. C'est lui qui a rédigé le manifeste du refus global co-signé par Riopelle et plein d'autres artistes connus du Québec. Bref, je mise là-dessus jusqu'à avoir la plus haute mise qui me donne un prix de 375 $ Et là, je laisse aller le tout. Et l'enchère se termine 2 jours après. Et le soir où ça se termine, je me connecte et pouf, je perds le Alfred Pelland dans les dernières minutes de l'enchère. Quelqu'un a misé jusqu'à ma plus haute mise et a misé 1400 $ Et moi, je veux pas miser plus haut. Mes enfants me disent que c'était déjà trop d'argent. Ok, alors j'augmente ma mise sur le bronze de Bourduard jusqu'à 500 $ et pouf, personne ne mise. Je reste avec à 375 $ plus 15% de frais d'encanteur, plus 15% de taxes par-dessus ça. Bref, ça me coûte 500 $ pour le bronze et je viens d'aller le chercher aujourd'hui et il est magnifique. Il a les dimensions d'un cube de 6 pouces environ et ça représente quoi? Si je voulais vous le décrire, je dirais c'est comme une plante carnivore dont les feuilles peuvent attraper des mouches, mais au centre de ça, c'est comme un personnage avec sa tête et son petit pénis. C'est difficile à décrire, c'est un petit peu abstrait, je l'ai entre les mains en ce moment, donc c'est comme une créature plante à 2 bras et pénis qui tient sur un genre de pied bizarre qui ressemble à une végétation qui monte pour t'attraper et qui a une tête d'escargot. Donc c'est un petit peu ça la sculpture de bronze, c'est un peu en art abstrait. Moi, je trouve ça bien fun d'avoir une œuvre comme ça sur la table chez moi. D'habitude, on les voit, ces genres d'œuvres, au musée, mais là, il est chez nous. Donc, je vais pouvoir le mettre à côté des bronzes que moi j'ai fait. Moi, j'en ai fait 3, donc peut-être que d'être en compagnie d'un bronze d'un artiste important va donner de la valeur au mien. Non, et pour ceux qui se disent « Est-ce que c'est cher 500 $ Eh bien non, c'est rien. Faire couler un bronze dans une fonderie d'or coûte un bras. Moi, j'ai payé j'ai payé 200 pour des lutins en bronze qui sont tout petits et 1500 pour mon plus gros bronze. Donc déjà, le processus est coûteux en partant. Et c'est vraiment parce que j'ai acheté ça dans un encan que j'ai pas payé ça très cher pour un artiste aussi connu. Voilà, c'est ça. Ma seule déception, car j'en ai une, c'est en arrivant là-bas, je tombe directement devant la grosse lithographie d'Alfred Pelland accrochée au mur, celle pour laquelle j'avais misé 1300 $ Elle est magnifique, la personne qui l'a remportée n'était pas encore passée la chercher, et je regrette maintenant tellement de ne pas avoir misé plus. J'aurais dû miser 2000 $ pour l'avoir. C'est ça, mon seul regret. Bon, je vous laisse là-dessus. Bonne fin de Lobster. On se reparle bientôt. Je préfère enregistrer des Lobsters quand j'ai de quoi d'intéressant à dire, plutôt que de sortir des épisodes sans trop de contenu. Bon, certains me diraient on aime mieux plus d'épisodes, puis j'ai déjà lu ça sur Internet. Beaucoup disent c'est mieux plus de contenu. Mais bon. Moi, j'aime mieux conserver un certain niveau de qualité vu que je fais ça pour le plaisir. Donc, restez abonnés, je suis toujours vivant et devrais vous sortir d'autres épisodes rapidement. La prochaine fois, je devrais vous parler de ma deuxième dose de vaccin AstraZeneca, car je viens de lire la bonne nouvelle. Les vaccins vont passer date, sont passés date, et le gouvernement dit que c'est pas grave, et il change tout simplement la date de péremption. Ils viennent de dire que ça va être bon un mois de plus. Donc, c'est très rassurant. Moi, ça me fait penser un petit peu au lait. Imaginez à quoi ressemble une pinte de lait qui est passée date de un mois. C'est un petit peu rendu du lait caillé. Donc, c'est ça. Sur cette bonne nouvelle que je vais sûrement recevoir une dose de vaccin caillé, je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye! N'oubliez pas que c'est demain que ma mère arrive. Ça fait 15 fois que vous me le répétez, arrêtez de vous inquiéter. Tout est prêt pour la recevoir. Ne m'inquiète pas. Demain, vous ferez gaffe à votre coiffure, parce qu'aujourd'hui, c'était un peu... Avec ma mère, il faut que ce soit carré, ça. Alors, c'est ça, Kaamelott ? Intéressant. Vous savez, mère, vos appartements vous attendent. Hein. Vous venez vivre ici quand vous voulez. Quelles sont claires, ces pierres ! Elles viennent d'une carrière du Pays de Galles. Elles sont comme celles de Stonehenge, j'ai pensé que ça ferait ton sur ton. Et vous n'avez pas peur que ça fasse un peu tape à l'œil ? Tape à l'œil ? J'en sais rien. Vous trouvez ça vulgaire ? Vulgaire, oui. Mais pas seulement. Ok. Bon, on va peut-être passer à table, vous devez avoir faim. C'est à cette heure-ci qu'on mange chez vous ? Comment ça, chez moi ? On sait rien, moi, on mange quand on a faim. Pourquoi vous mangez à quelle heure, à Tintagel ? À Tintagel, on mange quand on l'a mérité. Quand on sait qu'on a accompli ses commandements avec humilité, qu'on a glorifié sa famille. Oui, non, nous, on mange quand on a faim. Vous mangez pas, mère ? Tout ça est beaucoup trop riche pour moi. Si c'est le jus qui vous dérange, vous n'êtes pas obligé de saucer. Ce qui me dérange, c'est l'opulence, la profusion. Du temps de votre père, avec ce qu'il y a dans mon assiette, on nourrissait 10 soldats. Du temps de son père, c'était la famine. Je peux vous dire, j'ai bien connu. Je vois pas le rapport, maintenant la bouffe, il y en a. Du coup, je vois pas pourquoi on se priverait. Et c'est engorgé de sauce et de vin romain que vous menez vos hommes au front ? Disons qu'avant de partir en campagne, j'essaye d'éviter les laitages, quoi. On lui fait préparer des petites galettes d'avoine qu'il emporte dans son barda. Au cas où il aurait une petite faim. Dites donc, votre mère, c'est pas une rigolade, hein ? Votre éducation, ça a dû être... C'est pas moi qui l'ai élevé. Ça se voit. Bon, ça vous embête si on parle d'autre chose ? Franchement, quand je vous regarde, j'ai peine à croire que le sang de Pendragon coule dans vos veines. C'est vrai que c'est un sacré, le papa. Fallait pas venir les souffler dans les narines. Vous lui marchez sur le pied, il vous crevait un œil. Et pas connu. Ça se voit. C'est triste quand même de pas connaître son père. Attendez, j'en ai un de père. Enfin, un père adoptif, quoi. Un fermier. Mais il était pas que fermier, il était chevalier aussi. Un chevalier fermier ? Il était plus fermier que chevalier, quand même. Hein. Bon, ça va maintenant. Pendragon. Il était sûrement très bien, mais il était mort. Quand même pas ma faute. Il a raté de me faire chier. Excusez-moi, c'est parti tout seul. Mais qu'est-ce qui vous arrive ce soir ? Vous picorez ? Rien, ça va. Ça vous plaît pas ? Vous voulez que je vous fasse préparer autre chose ? Ça va, je vous dis. Oh, c'est pas la peine d'être désagréable, hein ? Si vous êtes mal luné, vous n'avez qu'à aller vous coucher. Et vous vous laissez parler comme ça ? Du temps de Pendragon ? Ah mais merde avec Pendragon ! Fallait pas lui parler comme si, il aurait jamais accepté ça. Quand on lui marchait sur le pied, il vous crevait un œil. Moi, quand on me marche sur le pied, on me dit pardon. Et puis je réponds, c'est pas grave. Je suis pas une espèce de gros taré à qui on peut jamais rien dire. Alors foutez-moi la paix avec ce con et finissez ce qu'on vous a mis dans votre assiette. Vous mettez combien de temps d'ici à Tintagel ? Avec des chevaux frais, il faut compter un jour et demi. J'aurais dit moins loin, moi. Vous avez pas envie de parler ? Si, si vous voulez, parler de quoi ? Je pensais à votre maman. Eh ben ? Je me disais, vous pensez pas qu'il faudrait qu'elle se trouve quelqu'un ? Ouais, non, en fait, j'ai pas envie de parler. Qu'est-ce que vous avez là, Seigneur Bort ? Ce sont des prunes que j'ai mis à glacer sur le rebord de la fenêtre hier soir. Vous en voulez une ? Oui, merci. Je la mangerai pendant que je me creuse la tête pour trouver une solution aux guerres des clans et aux invasions saxonnes. Très bien. Allez, courage. On On est quand même mieux là. La ferme. Si, on pouvait pas rester dehors avec cette température. Pour une fois, ils ont raison, c'était à quoi y rester. Maintenant, on est au chaud, alors vous la fermez. J'ai pas envie qu'on nous reconnaisse. Oui, mais nous, on est connus ici, on vient tout le temps. Je ne veux pas qu'on sache que le roi Arthur et ses chevaliers de la table ronde se peintent la gueule à la taverne du coin. Alors cachez vos visages et bouclez-la. On attend que la neige s'arrête et on repart. Ces messieurs, qu'est-ce qui leur ferait plaisir? 4 lettres chèvres. Oh, quand même. Mais dis donc, pourquoi ils gardent les manteaux, les voyageurs, ils ont froid? On peut pas montrer nos visages parce qu'on a la lèpre. Mais qu'est-ce que vous avez à soupirer sans arrêt, beau-père? Vous allez nous faire repérer. J'aime pas le lait. Moi non plus. Moi non plus. La barbe. Puisqu'on se cache, de toute façon, on peut bien boire ce qu'on veut. On va pas passer commande sur commande pendant toute la soirée. Je veux pas qu'on se fasse remarquer. Déjà qu'il a fallu expliquer pendant une heure qu'on n'était pas lépreux. Bon, mais on passe commande une fois pour toutes et puis c'est bon. Je commande alors. Non, pas vous. Pourquoi? Parce que il connaît votre voix, il va faire le rapprochement. Ni vous ni Perceval. Et Odagan, vous avez jamais foutu les pieds ici? Non. Alors commandez-vous, mais vite. Dites, s'il connaît pas ma voix, il connaît pas ma gueule non plus, hein. Alors, je vois pas pourquoi je continuerai à me planquer comme un repris de justice. Qu'est-ce que vous faites? Patron, 4 hydromels, une miche de pain et un fromage de brebis. Ça marche? Bah, voyez. M'a pas reconnu, hein. Mais de quoi on a l'air, nous autres, maintenant, avec nos capuches? Bah, enlevez-les. Non, les chevaliers au bistrot, c'est le déshonneur. Bah, nous, on fréquente l'établissement depuis l'âge de 15 ans. Ça fait un bail qu'on est déshonoré. Du coup, un peu plus, un peu moins. Et voilà la collation maison. Attention. Merci, patron. Voilà. Mais je vous ai pas reconnu tout à l'heure, hein? Qu'est-ce qu'il a, le copain? Il boude. Et pourquoi qu'il boude? Oh, bravo, hein. Non, non, c'est rien, je suis pas dans mon assiette, mais ça va passer. Il veut un autre lait? Non, merci. Des fois, une infusion pour vous détendre? Non, non, bien vrai. Un grog? Non. Parce que s'il veut du chaud, je peux lui brasser 3 œufs dans une poêle. Non. Enlevez votre capuchon si ça va pas, vous serez plus à l'aise. Bah, vous voyez, finalement... Il vous reconnaît pas non plus. Ou alors il m'a très bien reconnu et il ose rien dire. Et dès qu'on sera sorti, il en sera la rumeur. Mais vous faites pas de soucis. Est-ce qu'il leur faut autre chose aux voyageurs? Non, merci. Sire, ça vous embête si je reprends une part de fromage? Mais pourquoi qu'il vous appelle Sire? Non, non, non, non, il m'appelle pas Sire. Il m'appelle Sire... Il m'appelle Cyril. Il m'appelle Cyril, c'est mon prénom. Mamá paga de coto, mamita y ne, quimita de naimon, no ne.

Allez, tiens. Or wherever you're watching from, we send you our love and we wish you were here. Come up to meet you and tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you to tell you I need you, to tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions, and oh, let's go back to the start. Running in circles or coming up tails, our heads on a silence apart. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start. Numbers and figures, I was pulling your puzzles apart. The questions of science and progress, the not speak as loud as my heart. So tell me you love me, or come back and hold. Well, This is very weird, but very fun. And we bought our own special rain effects. Looks completely genuine. And I just want to make you all feel better if you're watching that. If there's a day you didn't want to stand in a field, it's probably today. But this is our home, and so we're happy to be here. So happy. And we want to thank the Evises and everyone that has got this together, because it's been a big deal. And it's the first time we've played to thousands and thousands of cows. So I hope we're doing okay. Okay, Johnny, give me the crowd noise, please. That sounds full. Thank you, everybody. Thank you so much. Oh, Johnny. I've just heard that we can only play for one more song, John. Oh, no, stop it, stop it. This is what we call the butlin section of the show. And, John, so, look, what are we going to play next? Does the crowd ask him for anything in particular? Okay, well, you ask and we do. Here we go, let's go. Okay. I used to rule the world. Seas would rise when I gave a word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, and listen as the crowd would say, now the old king is dead, long live the king. Oh, don't cry. Boys, keep it all inside. I try to hide it underneath. Still my heart starts to beat. My human heart, only got a human heart. I wish it didn't run away, I wish it didn't fall apart. Oh, a human heart. Light of day and light of dark, anything could be torn in half. Only got a human heart. Girls can make human heart, only got a human heart. I wish it didn't run away, I wish it didn't fall apart. Oh, my human heart. Night and day and light and dark, anything could be torn in half. Oh, for all the doctors and nurses, everyone worked so hard. When you try your best but you don't succeed, you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse. When the tears come streaming down your face, 'cause you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste, what could be worse? Yeah. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try. Everybody, we have time for one more song. And before we play the song, we want to acknowledge all of the privilege that we have in being able to play in this beautiful place, in this relatively safe country, and the job that we've been given, which is our dream job. And from Glastonbury, which is our home, we want to send love out everywhere. And we want to, without blaming or shaming or saying who's right and who's wrong, we want to encourage the idea that there is no path to peace, there's just peace being the path. And that's what we believe, and we believe all humans are as special as each other. And thank you for watching, wherever you're watching. I hope we get to see you here in person before we're 90. And that's it. This is our last song. Thank you, everybody. Here we go. All right, Will. God bless you all. Thank you, Freddy. Glastonbury forever, baby.